France Culture, Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbéchour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. Une nuit au cimetière par Christine Goémé sur une idée de Virginie Mourté. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération s'en vient et la terre subsiste toujours. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour détruire et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser. Nous allons cette nuit nous intéresser à la mort, cette énigme à laquelle on doit tant de grands textes comme celui de l'Ecclésiaste, dont je viens de lire un court extrait et qu'on trouve dans l'Ancien Testament. La mort, qui est à l'origine de grandes et belles philosophies comme celle d'Épicure qui écrit, je cite, « La mort n'est rien pour nous puisque, tant que nous existons, la mort n'est pas ». Et que quand la mort existe, nous ne sommes plus. La mort, qui est la source de tant de croyances, de mythes et de superstitions. Mais plus concrètement, il y a ce qui nous advient ici et maintenant, perte de proches, d'amis, de parents ou d'enfants, deuils possibles ou impossibles, et ce qui nous soutient dans l'épreuve, les mots et les rites. Bonsoir Marie-Frédérique Baquet, vous êtes professeure de psychopathologie clinique à l'Université de Strasbourg et anthropologue, présidente de la Société de Thanatologie, rédactrice en chef de la revue Études sur la mort, auteur de livres importants sur la mort, publiés notamment chez Springer et chez Odile Jacob. Vous êtes également psychanalyste. Commençons par un truisme. Comme tous les êtres vivants, l'homme est voué à la mort, mais la perception de la mort change en fonction des sociétés, et cette perception est révélatrice de l'état de cette société. La nôtre, par exemple, surmédicalise la mort. Bonsoir Christine. Oui, alors il y a beaucoup de changements au sujet de la mort ces derniers temps, c'est-à-dire ce dernier demi-siècle. Nous nous sommes appuyés sur Philippe Ariès, nous nous sommes appuyés sur Edgar Morin. Les sociologues nous avaient montré qu'à partir des années 50, il y avait une forme de déni de la mort dans notre société. Je parle de la société française, mais européenne également, oui. Occidentale plus loin. Ce qu'on observe aujourd'hui, ce n'est pas tant le déni de la mort, mais plutôt la partition de la mort en deux. Le clivage de la mort en deux, la séparation de la mort en deux. D'un côté, une mort hyper réelle, celle qui nous est présentée à la télévision, dans les films. Il est rare de trouver un film dans lequel il n'y a pas de mort. Oui, ça va de pair avec la scène sexuelle d'ailleurs. Absolument. D'autre part, donc confronté à ces documents absolument inouïs où nous suivons la mort en direct, il y a effectivement un échappement de la mort dans la réalité. C'est-à-dire que dans la société de tous les jours, nous avons et nous espérons avoir la chance de ne pas mourir de mort violente. Mais en France, jusqu'à présent, aujourd'hui, sur les 550 000 morts annuelles, la plupart se produit dans les hôpitaux, dans les espaces domestiques, mais aussi dans les maisons de retraite, les fameux EHPAD. Et donc, en réalité, nous avons toutes les chances, je dis bien chances, de mourir très âgés dans notre lit. Ce qui vient en contradiction absolue avec les images de la mort qui nous poursuivent toute la journée, toute la nuit, sur les téléviseurs, au cinéma, et où on a le sentiment que nous allons vivre et mourir de manière violente et brutale. Donc cette contradiction est tout à fait nouvelle et elle est liée à l'invasion de la mort virtuelle, ces réalités virtuelles qui nourrissent nos enfants dès le plus jeune âge et qui les voient confrontés aux jeux vidéo, à la mort en direct. Donc surexposition et occultation, si je vous comprends bien, Frédéric Baquet. Absolument. Et ce d'autant plus qu'aujourd'hui, la demande de mourir, car elle existe, cette demande. Oui. Nous la voyons actuellement dans les questions portant sur la loi de Jean Leonetti et qui bientôt sera, et le projet de loi Claes-Leonetti. C'est-à-dire qu'au fond, je ne supporte plus la mort passive, que vous avez décrite d'ailleurs dans l'Ecclésiaste, avec Épicure et avec tous les philosophes depuis la nuit des temps. Je ne supporte plus la mort passive, je veux diriger ma mort, je veux contrôler ma mort, et c'est pourquoi on assiste à une espèce de fuite en avant qui fait que la grande majorité des Français, lorsqu'ils sont interrogés sur ce sujet, déclarent préférer l'euthanasie à l'agonie. C'est intéressant parce que ça va de pair avec, justement, c'est vrai, le contrôle des naissances. Hein. Contrôle des naissances, contrôle de la mort. Il y a une espèce de conjonction qui n'est pas du tout innocente, je suppose. Oui, ce parallèle est lié à notre désir de maîtriser. Hein. Maîtriser complètement la vie, maîtriser complètement la mort, bien que la mort soit conçue sur un plan rationnel. Puisqu'aujourd'hui, des questions de démographie sont posées, il y a trop de monde sur cette planète. Donc, maîtriser la mort serait une bonne chose, au même titre que maîtriser les naissances. Alors, dans cette première partie de notre nuit, nous allons entendre des archives qui se rapportent aux rituels et à leur transmission. Qu'est-ce qui a changé dans le rituel, dans les rituels? C'est quand même toujours les curés, les rabbins qui s'occupent, les imams qui s'occupent de la mort. Enfin, c'est toujours le c'est un peu leur job en quelque sorte, c'est eux qui savent faire. Oui, pour le moment, les ministres des cultes sont responsables de ces rites funéraires. Mais ces rites funéraires, donc vous le voyez, vous nous citez les grands monothéismes. Oui. Or, ces grands monothéismes existent depuis 2000 ans. Bien en amont de ces rites funéraires, il y avait d'autres rites funéraires qui étaient sans doute consacrés à d'autres divinités, puisque toujours l'homme a cherché à exclure la mort de sa pensée personnelle, mais à l'attribuer à autrui. Donc ici, les ministres du culte sont encore recherchés dans notre pays, la France, puisque à peu près 90% des rites funéraires ont lieu dans les églises au sens large, même si les gens se déclarent non-croyants. Oui, oui. Peut-être pas athées, agnostiques, mais disons non-croyants. Donc actuellement, on recherche des lieux de culte pour la dimension sacrale de cet espace. Mais la réalité est tout autre. C'est que nous n'intégrons plus les rites. C'est-à-dire que jadis, la transmission des rites ne se faisait pas seulement dans les églises, elle se faisait dans les familles. Par exemple, pour les toilettes des morts. Ça, c'est quelque chose que, en particulier dans le monde chrétien, on se transmettait de femme en femme, et bien sûr quand on appartenait à l'aristocratie, il y avait des femmes ancillaires, si vous voulez, qui accomplissaient ces rites funéraires. Mais donc aujourd'hui, on ne sait plus, on ne connaît plus les rites, et c'est pourquoi il y a une certaine révolte vis-à-vis des rites, parce que les gens disent je ne comprends pas le rite, assis, debout, je ne vois pas ce que ça vient faire là. Et je l'ai traduit dans un de mes livres, Mourir aujourd'hui, chez Odile Jacob, les gens n'habitent plus les rites, donc ils les subissent. Et au fond, ils ne sont plus au courant du tout de ce qui advient dans ces rituels, de ce qui leur arrive, de leur raison d'être, d'une certaine manière. Non seulement ils ne sont plus au courant, mais surtout, ils n'en ont plus envie. Et il y a une forme d'obligation de souscrire à ces rites qui gêne les gens. C'est pourquoi on voit parallèlement augmenter ce qu'on appelle les rites laïques, qui existent déjà depuis fort longtemps chez les francs-maçons, par exemple. Mais ces rites laïques ne sont pas bien connus. Et surtout, quand on est en deuil, et c'est là où nous arrivons à la psychologie du deuil, quand on est en deuil, on n'a pas la capacité à dominer, à construire une cérémonie. On aime mieux se laisser faire. C'est pourquoi aujourd'hui, les cérémonies changent singulièrement et les entreprises de pompes funèbres ont les plus grandes difficultés à mettre en place des rites qui sont une forme de bricolage. Quand je dis bricolage, c'est un terme qu'on emploie en anthropologie. C'est-à-dire qu'on essaie de faire avec les rites et comme le disait Claude Lévi-Strauss, en fait, les rites ne changent pas, mais ils sont modulés en fonction des cultures, en fonction des âges. Mais les fondements des rites, et peut-être allons-nous en arriver là, les fondements des rites restent les mêmes. Ce sont quatre étapes particulières. D'abord, la reconnaissance du défunt. Le fait de l'identifier comme étant bien la personne proche que l'on a connue. Ensuite, la séparation d'avec le défunt. Donc, il va falloir accepter que le défunt passe dans un autre champ, qui est un autre champ anthropologique. C'est-à-dire que, aujourd'hui encore, les morts et les vivants ne peuvent pas vivre dans la même société. Ils doivent se séparer. Ceci pour simplement, et on en parlera plus tard, que les morts n'envahissent pas le domaine des vivants, ne deviennent pas des fantômes, des revenants, etc. Donc il faut se séparer. Et se séparer, c'est extrêmement difficile. On a le plus grand mal à se séparer de ses morts. Donc il y a une séparation deux fois. C'est-à-dire que le mort est d'abord mis dans un lieu, ça peut être le cercueil, et puis ensuite ce cercueil va être mis dans un autre lieu, c'est le cimetière. Alors pour la crémation, c'est la même chose. Cendres vont être mises dans une urne. Et ensuite, il y a des retrouvailles. Alors ça, c'est extrêmement paradoxal parce que d'un côté, le mort s'est séparé des vivants, mais il retrouve les vivants dans le lieu public que sont les cimetières. Et ça, il est extrêmement important que nos morts soient dans un lieu public, c'est-à-dire qu'ils puissent rencontrer les autres. Quelque part, qui viennent d'un autre endroit, donc les vivants, qui viennent visiter les morts. Et puis ensuite, les morts restent entre eux. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de réintégration. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le mort tout seul, ce qui serait vraiment dommageable pour nos esprits, à nous, les vivants, bien sûr, mais on sait que le mort est en société, dans la société des morts. Est-ce que, Marie-Frédérique Baquet, est-ce que la thanatopraxie n'est pas aussi une dénégation de la mort? Parce que, au fond, le cadavre ne se défait pas, il ne se transforme pas sous les yeux de la famille, de ceux qui voient qu'à un moment donné, ce n'est plus tout à fait lui, ce n'est plus tout à fait elle, c'est un reste de quelque chose. La thanatopraxie qui est donc cette manière de maquiller le mort, fait peut-être aussi éventuellement partie de ce refus de voir la mort d'un proche en face. Oui, alors il faut voir que la thanatopraxie, qui est la possibilité de maintenir le corps dans un état visible, a pour objectif de permettre aux familles, et surtout aux familles qui viennent de loin, de revoir le mort avant sa disparition ultime. Or, la thanatopraxie, aujourd'hui, est différente de celle qui existait chez les Égyptiens, par exemple. Oui. Puisque chez les Égyptiens, il s'agissait vraiment de conserver le mort de manière qu'il puisse vivre son voyage, comme vous le savez, dans les sphères célestes, au sens où il pouvait ressusciter et conduire et mener sa vie de mort, si vous voulez. Aujourd'hui, la thanatopraxie a des objectifs très précis, c'est nous permettre de revoir notre mort dans un temps qui est bien défini. Car hélas, la thanatopraxie ne permet pas de conserver le mort bien longtemps. Donc, a priori, il ne s'agit pas de dénier la mort, mais il s'agit de permettre la reconnaissance du mort. Mais c'est vrai que ce maquillage, etc., permet aux proches de dire « Oh, comme il est beau, comme elle est belle, comme il a l'air reposé », ça c'est un terme voilà, que j'entends souvent. « Comme il a l'air heureux ». Heureux, je sais pas. C'est assez difficile de dire heureux. Mais la plupart des termes que nous entendons, c'est la question du repos qui, à mon avis, vient contrebalancer la question de la violence de la mort. C'est ça, oui, tout à fait. Donc pour moi, ce n'est pas un déni, mais c'est surtout une manière de permettre aux proches de revoir leur mort avant la disparition finale. Alors, Marie-Frédérique Baquet, si vous le voulez bien, nous allons téléphoner à un de vos amis, et qui s'appelle Pascal Moreau, et qui est actuellement au Père-Lachaise, qui est, comme on dit aujourd'hui, employé des pompes funèbres, c'est-à-dire croque-mort. C'est une des mémoires de la profession. Pascal Moreau, est-ce que vous nous entendez? J'entends bien. Bonsoir Pascal Moreau, merci d'être avec nous. Les manières d'enterrer les morts ont beaucoup changé, très rapidement, je crois. Les rites funéraires, ça, ils changent, mais ils changent lentement. Ils s'adaptent au mode de vie des gens, à leurs occupations. Et effectivement, on peut dire que depuis 40 ans, ça a beaucoup changé. Alors, vous êtes au Père-Lachaise. Est-ce qu'il y a beaucoup de crémation actuellement? Est-ce que la tendance est plus à la crémation ou à l'enterrement? Alors, pour l'instant, c'est toujours l'enterrement qui l'emporte, mais vous savez, ce que je vous disais, la crémation, c'est une longue histoire en France, puisque elle était interdite par Charlemagne, déjà, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, et on en a reparlé un peu à la Révolution, mais on ne faisait pas de crémation en France. C'est la loi, une loi importante sur la liberté des funérailles, en 1887, qui a permis la crémation en France. Il n'y avait d'ailleurs pas de crématorium, et suite à cette loi, un décret a été pris pour la création du crématorium du Père Lachaise, en 1889, qui a commencé à fonctionner. Mais la France est catholique à l'époque, l'Église catholique n'est pas pour la crémation, qui était faite un peu par des anticléricaux, et donc bon, ça doit peu bouger. On peut dire que jusqu'au Vatican II, la crémation était peu développée. Hein, 0,40% seulement des décès en France, c'est-à-dire un peu plus de 2000, vous voyez, hein, sur 560 000 décès. Et c'est en fait, en 64, donc, l'Église a levé son interdit sur la crémation. Bon, ça n'a pas trop bougé tout de suite, mais c'est un décret de M. Poniatowski, en 1976, qui a rajeuni un peu cette réglementation qui était contraignante. Il fallait deux médecins, il fallait que la personne soit peu vêtue dans le cercueil, évidemment, pour éviter les fumées. On n'avait pas d'appareil très sophistiqué à l'époque. Et puis, ce décret a permis, beaucoup plus libéral, par exemple, on pouvait remettre les cendres aux familles, et ça, c'était une innovation importante. Et à partir de là, la crémation s'est développée à une vitesse grand V. Les crématoriums ont suivi, bien sûr. Hein. On peut dire que tous les 5 ans, il a doublé son pourcentage. Aujourd'hui, plus d'une famille sur 3 choisit ce mode de sépulture. Ça, on est à 35%. Et on sait que cette progression va se poursuivre. Jusque actuellement, on a les intentions de crémation des personnes, c'est de l'ordre de 50-51%. Comment on sait ça? On sait ça surtout par les contrats d'avance. Les personnes font les contrats d'avance pour eux-mêmes, et dans ces contrats, ils se prononcent pour la crémation et l'inhumation. Et les statistiques de ces contrats, on en fait plus de 400 000 par an, c'est donc une assise importante, se prononcent pour à 51% pour la crémation. Et ça va continuer à se développer. Alors, on sait que vous êtes une des mémoires de la profession, Pascal Moreau. Moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu comment ce que ça se passait quand vous avez débuté, au fond, dans le métier. Comment est-ce que vous êtes devenu croque-mort et quels étaient les rituels, les manières de signaler les morts à l'époque où vous avez commencé à travailler? Même avant, vous savez, moi je suis né avant-guerre, donc la guerre de 40 nous a donné beaucoup l'occasion d'aller aux enterrements avec notre mère, parce que il y avait forcément des gens, moi j'étais dans une petite ville dans le nord où il y avait les Allemands depuis 1940, et il y avait forcément des gens fusillés, etc. Et à chaque fois, on allait aux enterrements. Alors à l'époque, il s'est bien suivi après, hein. Donc d'abord la mort était publique, on le savait. Dans le quartier, il y avait d'abord le médecin qui passait. Et les voisines guettaient les confidences du médecin. Et quand il disait, bon, c'est les derniers moments. Ensuite, il y avait le curé qui venait avec l'enfant de cœur. Et puis la sonnette. Donc tout le monde était au courant dans le quartier. Après l'extrême onction, ça commençait à aller mal pour l'intéressé. Et puis, il y avait le glas, forcément. Donc le glas, c'était un peu l'Internet de l'époque. Et quand il y avait le glas, on savait que M. Dupont, il était décédé. Et puis il y avait le menuisier aussi. Alors le menuisier venait à domicile, prenait les mesures du défunt, parlait un peu avec la famille. Et puis il n'avait pas de stock de cercueil. Il pouvait travailler toute la nuit pour faire le cercueil d'urgence. Car on n'avait rien pour conserver les morts. Et il fallait faire la mise en bière rapidement. Et puis il y avait aussi les dames qui s'occupaient beaucoup. Il y avait une grande solidarité de quartier. Et les femmes se mobilisaient pour venir aider la veuve, souvent. D'abord, il fallait être en noir. Donc, les gens n'étaient pas très riches. Donc, soit elles se prêtaient des vêtements, soit on courait chez le teinturier. Et le teinturier, il y a encore ses enseignes. Le deuil en 24 heures. Et donc, les gens... Et puis, il fallait préparer le corps. Donc, il y avait des dames exprès qu'on appelait des pleureuses, un peu comme au temps des Égyptiens. Oui. Qui venaient préparer la chambre. Elles couvraient les miroirs. Elles mettaient des draps aux fenêtres. gras, évidemment. On habillait le défunt. On mettait la petite soucoupe et le buis et l'eau bénite. Évidemment, c'était automatique. Et donc, la chambre était prête, on pouvait commencer à faire la visite. Oui, Pascal Moreau, ce qui est vraiment extrêmement intéressant dans vos connaissances, c'est que justement, vous citez des éléments symboliques, comme par exemple voiler les miroirs, comme par exemple porter le noir. En réalité, c'est pas tant le noir qu'il s'agissait de porter, que plutôt changer la couleur des vêtements. Hein. Et on le retrouve dans d'autres cultures, par exemple en Sardaigne, où j'avais une collègue qui avait étudié les rites funéraires, où finalement on retournait les vêtements. Et tous les vêtements traditionnels avaient une face colorée pour les fêtes, mais une face sombre pour les deuils. Il était très prévoyant, hein ? Très prévoyant, absolument. Alors, ensuite, il y avait les visites, bien sûr, surtout le soir, parce que... Donc il y avait la veillée, on faisait les veillées, les dames venaient, on laissait pas le mort tout seul. Donc les femmes du bois venaient la veillée, les hommes venaient plutôt le soir. Bon, ils se recueillaient 5 minutes et puis ils allaient à la cuisine boire un café ou du vin chaud s'il faisait froid. Les enfants, les mères, on suivait nos mères, donc on nous mettait dans un petit coin très sagement. Et puis le curé venait encore, venait à l'époque, et donc Dieu sait si j'en ai entendu des Notre Père, vous savez, répété par les gens, puis des Je vous salue Marie, donc il y avait tout cela. Il y avait aussi à préparer le repas. Donc les femmes, parce que en effet, on a toujours d'une certaine manière bu et mangé à un enterrement. Oui, parce qu'on reparle du défunt. Et parler du défunt, c'est encore être avec lui. Oui, et puis finalement, le vin, quand même, hein, chaud ou pas, facilite la parole. Et c'est était nécessaire de casser le moment de la sidération, du choc de la mort, pour pouvoir reprendre finalement l'histoire du défunt. Et à partir du moment où on narre, où on reprend la narration de la vie du défunt, eh bien à ce moment-là, on dépasse finalement le choc de la mort. Oui, on l'intègre dans le récit, dans le grand récit de l'humanité finalement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand il n'y a pas ce phénomène de narration, eh bien finalement, on reste dans le choc. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on fuit la mort. Parce que justement, vous avez bien décrit, Pascal Moreau, le fait que les enfants étaient conviés. La collectivité était conviée d'ailleurs à travers le glas, hein, les cloches, qui avaient d'ailleurs, qui transmettaient des messages singuliers en fonction des régions, puisque j'ai lu l'autre fois toute une cartographie de la France avec le nombre de coups, car il y avait un nombre de coups pour la mort d'un homme, un nombre de sonnettes de coups du glas pour les femmes, moins en général, et pour un enfant, il y avait même toute une codification en fonction de l'âge de l'enfant, c'est absolument inouï. Oui, je vous dis, c'était l'internet de l'époque. Oui, c'est vrai. Et puis, il y avait la dame la pleureuse qui annonçait aussi dans chaque maison le jour et heure de la levée du corps et de l'enterrement. Donc, il y avait tout cet aspect-là. Le jour de l'enterrement, bien sûr, ça se passait, la levée de corps se passait à domicile. On mourait beaucoup à l'hôpital ou à domicile, où on venait de l'hôpital, mais c'était à domicile. Et on transportait les corps de l'hôpital dans la maison, c'est ça ? Oh, les gens mouraient, et ils venaient, avant de mourir, ils rentraient chez eux. D'accord. Très souvent. Donc il y a beaucoup plus de décès à domicile que maintenant, évidemment. Donc le jour de l'enterrement, il y avait le cocher qui arrivait avec ses porteurs et puis le corbière à cheval. Il y avait bien sûr le curé était là systématiquement avec ses enfants de cœur. Les porteurs chargés, bien sûr, le cercueil dans le corbillard. Et puis le curé partait devant en chantant le Dies Irae. D'ailleurs, le cocher n'avait même pas besoin de dire à ses chevaux. Ils connaissaient toutes les prières, les chevaux. Donc, dès qu'ils chantaient le Dies Irae, ils avançaient. Ces chevaux, ils étaient très fiers, ils étaient tressés, ils avaient la crinière tressée, ils étaient triés, on cirait les sabots. Ils étaient très fiers, ces chevaux. Il y avait une dimension esthétique à ces funérailles. Ah oui. Et il y avait une dimension publique. Voilà, exactement, une dimension publique. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à cacher, à neutraliser. Ah, c'était public, bien sûr. Et puis, donc, on partait en cortège. Le maître de cérémonie faisait le cortège, bien sûr. On appelait les personnalités. On portait il y avait les cordons du poil à l'époque. C'était des cordons qui étaient sur le côté du corbillard. Le cordon d'honneur, c'était la personne la plus importante. Alors, on les appelait messieurs les cordons, mesdames. Et puis, on formait le cortège jusqu'à l'église. Alors, à l'église, c'était la messe. Hein. Ça durait un bout de temps. y avait une systématique pour les condoléances, ça c'était obligatoire. Et puis ensuite, on reformait le cortège et on allait au cimetière aussi en parlant. Alors en ville, bah, on parlait des choses. On avait toujours un ordonnateur. L'ordonnateur, c'était un employé soit de la mairie, soit des pompes funèbres qui était devant le corbillard et qui faisait arrêter les voitures, qui s'arrêtait respectueusement, qui coupait le moteur, qui descendait de voiture et qui enlevait la coiffure. Vous voyez, le respect du public. Absolument. Pascal Moreau, je voudrais vous poser une question un peu annexe dans la mesure où nous sommes en pleine nuit. Est-ce qu'il y a toujours des gens qui cherchent à entrer dans les cimetières la nuit ? Les cimetières sont gardés et fermés, bien sûr. Quand il y a des profanations, c'est forcément des gens qui rentrent dans les cimetières, oui. Enfin, ici, les grands cimetières de Paris sont gardés, mais on a eu autrefois des profanations, bien sûr, oui. Oui. Enfin, moi, je ne suis pas dans les cimetières, mais probablement. Parce qu'il y a certainement des rituels aussi, des gens qui se retrouvent à des heures un peu inconsidérées, en plein milieu de la nuit. Ils se laissent enfermer dans les chapelles. Ah oui, voilà. Donc ils passent la nuit, alors que font-ils ça ? Donc on a trouvé ici des poules égorgées, on a trouvé des choses assez bizarres, oui, des sortes de messes particulières. Juste encore un mot, Pascal Moreau. Parmi vos nombreuses responsabilités, vous êtes à l'origine de la formation de responsable des pompes funèbres et de jeunes gens que le métier attire. Alors, très rapidement, quel type de qualité faut-il avoir pour s'occuper des morts ? Ben, il faut être sérieux. Sans se prendre au sérieux, c'est un métier... C'est compliqué parce que on a affaire à toutes les catégories sociales, aussi bien les plus modestes que les plus élevés. Et on a 550 000 décès en France par an, on a 550 000 fois un enterrement. Chacun est particulier. Il faut donc avoir une grande écoute et pressentir les attentes des familles, qui sont toutes différentes. Merci beaucoup pour ce coup de téléphone, Pascal Moreau. Et je recommande la lecture de vos articles, notamment dans la revue Études sur la mort. Merci infiniment. Merci. Marie-Frédérique Baquet, le temps de la mort n'est plus le même temps. Aujourd'hui, on a l'impression que ça va beaucoup plus vite, qu'on est pris dans les occupations du quotidien et qu'au fond, la mort est un détail qu'il faut se dépêcher de régler. Oui, c'est un véritable problème parce qu'on considère que le temps de la mort est un temps mort, ce qui n'est absolument pas le cas. Et c'est encore une fois dans une société matérialiste qui n'arrive pas à concevoir que ce qui est non palpable, ce qui n'est pas tangible comme le temps, a véritablement un sens et même, je dirais, une utilité, mais symbolique, bien évidemment. Donc le fait que tout s'arrête, on vient de le voir avec Pascal Moreau, que les automobilistes s'arrêtent, enlèvent leur coiffure, hein, Être coiffé, c'est évidemment avoir un rôle dans la société. Donc là, on se met nu devant Dieu, ça a un sens symbolique. Et donc, montre bien que finalement, on acceptait d'arrêter toutes les activités face à la mort. Et du coup, de prendre conscience que cette situation pouvait aussi nous arriver et de toute façon nous arriverait. Cette prise de conscience collective aujourd'hui est littéralement impossible. Je comparais le cortège funéraire avec les chevaux aux camionnettes d'aujourd'hui qui ne sont même plus noires. Elles sont marron, elles sont couleur aubergine, couleur de feuilles mortes peut-être, mais en tout cas certainement pas visibles. Et aujourd'hui, elles sont dans la circulation au même titre que n'importe quelle voiture. Alors, nous allons écouter tout de suite la première partie des archives de notre nuit. La première archive porte sur les rites funéraires et le travail du deuil, comment vivre la mort. La deuxième s'intéresse à la nourriture des morts et des endeuillés. La troisième est assez récente et elle porte sur l'école des croque-morts. Et nous nous retrouvons tout de suite après, n'est-ce pas, Marie-Frédérique Baquet ? Bien sûr. Le jour des morts, je cours, je vole, je vais infatigablement de nécropole en nécropole, de pierre tombale en monument. On m'entrevoit sous une couronne d'immortels à Champéret. Un peu plus tard, c'est à Charonne qu'on m'aperçoit sous un cyprès. Mais seul un fourbe aura l'audace de dire « je l'ai vu » à l'horizon du cimetière, de l'autre côté de sa maison.